19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Faut-il réécrire l'histoire, notre histoire, très probablement, du moins en partie? Parce qu'il faut parfois carboniser les idées reçues, clichés ou poncifs, ce numéro de Carbone 14 sera provocateur. Doit-on tout au Moyen-Âge? Bienvenue dans les temps de Quasimodo, de la sorcellerie et des sortilèges, des invasions barbares et des frayeurs millénaristes, celui de la peste noire, des cerfs et des gueux, du seul remède au mal, le bûcher et l'inquisition. Bienvenue dans les âges sombres, les Dark Ages. Par chance, aujourd'hui, notre salut vient de l'archéologie. L'archéologie qui, après 30 ans de fouilles, offre à nos concitoyens une grande exposition à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Quoi de neuf au Moyen-Âge? Pour remonter le temps, Joël Burnouf, Isabelle Catédu, bonjour. Bonjour Vincent. Archéologue tout-terrain, Isabelle Catédu, vous êtes médiéviste à l'INRAP et commissaire de cette exposition. Professeur émérite à l'Université de Paris, hein, Joël Burnouf, vous êtes à l'origine de cette nouvelle discipline, l'archéologie médiévale. À défaut de bûcher ou d'inquisition, qui sont les coupables de cette terrible vision du Moyen-Âge? Hugo, Michelet, Augustin, Thierry, Viollet-le-Duc, ceux-mêmes qui l'ont revisité au 19e siècle, Joël Burnouf. Écoutez, je ne vais pas commencer par carboniser ces grands hommes, dont certains sont à l'origine de vocations de médiévistes, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Je ne tuerai pas les pères. Joël Burnouf, il faut le dire, ce Moyen-Âge est un temps contraint, coincé entre deux renaissances. Alors, justement, ces gens de la Renaissance qui étaient des as de la com ont fabriqué eux-mêmes leur propre succès. Et pour fabriquer un succès, il faut s'asseoir sur ce qui est avant et essayer de préparer un avenir radieux. Et donc, la Renaissance, entre autres, s'est auto-promue par rapport à la période antérieure qui a été qualifiée dès cette époque. Et ensuite repris au 19e siècle, où on l'appelait l'époque gothique, par les auteurs et les penseurs de la Renaissance. Le Moyen-Âge, c'est une période historique de 476 à 1492. Pour Jacques Le Goff, elle va du 4e siècle à 1772. Est-ce que ce n'est pas trop long, Isabelle Catédu? Alors, ce qui est clair, c'est que, et ça l'archéologie et l'interdisciplinarité nous le montrent, c'est que selon les thématiques que l'on aborde, en fait, les ruptures qui sont donc identifiées, elles ne sont pas toutes identiques. C'est-à-dire qu'il faut accepter la pluralité des découpages archéologiques, à la fois en fonction des questions qui sont étudiées, mais surtout pour permettre de rendre compte de l'évolution des sociétés. Et ne pas le faire, en fait, on l'écrivait encore avec ma collègue historienne Hélène Oiset dans le catalogue de l'exposition, ne pas faire ça, c'est conduire à appréhender en fait tous les changements sociaux selon un processus unique et ça va simplifier l'histoire en fait complètement à outrance, ce qui n'est pas l'objectif. Donc on met en évidence, non pas par exemple archéologiquement, non pas des chronologies événementielles, mais des chronologies culturelles, et on mesure à quel point les rythmes changent et à quel point on est souvent davantage devant des transformations que dans des ruptures. Pour vous, quelle est votre chronologie? Le 4e siècle jusqu'à la naissance d'Alembert, hein, ou moins? Alors en fait, Découverte de l'Amérique, disons-le. Elle évolue vraiment selon les thématiques et selon les régions. C'est-à-dire qu'on voit vraiment des diversités régionales. Dans le sud de la France, on voit que l'héritage antique est beaucoup plus long. Donc effectivement, la rupture, elle se situerait plutôt au 7e siècle, selon certains de mes collègues. Si vous vous situez en ville, vous allez voir effectivement cette rupture importante au 12e siècle qui coupe le Moyen-Âge en deux. Donc moi, je m'attache plutôt à des découpages internes, mais ces découpages évoluent vraiment en fonction des régions et en fonction des thématiques. Donc on est parfois devant un très long Moyen-Âge, comme celui proposé par Joël ou Jacques Le Goff. Dans d'autres cas, on se situe à une échelle beaucoup plus courte, avec des ruptures beaucoup plus marquées. Isabelle Quatédu, vous me parlez du Moyen-Âge, mais il y a deux Moyen-Âges. Il y a le Moyen-Âge du haut et le Moyen-Âge du bas. Voilà. Alors, pour éviter les confusions, puisqu'on nous pose systématiquement la question où se trouve le haut, où se trouve le bas, on a décidé, et on l'a fait encore dans un ouvrage récent avec Joël Burnouf, on découpe le Moyen-Âge en deux grandes parties, le premier et le second. Voilà. Donc, un premier qui va effectivement jusqu'au XIe siècle, le 5e, 11e, un second du 12e au 16e. Ce qui est clair, et Joël le formule très clairement, elle parle de seuil irréversible. Le 12e siècle est vraiment un élément marquant. Et voilà, il y a ce qui se passe avant le 12e et après le 12e siècle. Donc on est vraiment sur deux grandes étapes. Joël Burnouf, pourquoi un premier et un deuxième plutôt que le haut et le bas ? Pour essayer justement de sortir de ce que décrivait très bien Isabelle Quatédu tout de suite, c'est-à-dire d'une... Alors il y en avait trois, hein. Il y avait le haut Moyen-Âge, le moyen Moyen-Âge qu'on appelait souvent le beau Moyen-Âge, 11e, 13e, et le bas Moyen-Âge, qui était aussi la période qualifiée de catastrophique, avec les phrases issues du Dies Irae, la peste, la faim et la guerre. Donc pour sortir en termes de chronologie culturelle, qui n'ont rien à voir avec cette manière de découper académique, il était plus utile à la compréhension de cette très longue période, donc de 1500 ans, d'avoir une des phases qui soit calée sur ce que nous observions, sachant que nous, archéologues, nous voyons des états et nous déduisons des processus. Et donc, une division en premier et second Moyen-Âge avait le mérite de casser et de le remplacer les anciens découpages. Isabelle Quatédu, le Moyen-Âge commence avec l'effondrement de Rome, mais ces barbares n'ont-ils pas rêvé de Rome, d'être plus romains que les Romains ? Alors effectivement, le but de la plupart de ces populations qui arrivaient, qui en fait n'arrivent pas simplement au 5e siècle, mais qui arrivent tout le temps, et qui arrivent surtout entre le 2e et le 5e, leur but n'était pas de démembrer l'Empire romain pour la plupart. Bon, il y a peut-être une exception, les Huns, effectivement, avaient plutôt c'était plutôt une entreprise politique, avec effectivement ce désir de conquête et d'agrandir leur empire, d'acquérir des richesses. Mais la plupart des populations étaient fascinées par Rome, attirées par Rome. Elles voulaient d'ailleurs être intégrées et obtenir un statut au sein de l'Empire romain, puisqu'elles connaissaient très bien l'Empire. Depuis très longtemps, de nombreux barbares étaient intégrés dans l'armée romaine. Ils connaissaient donc bien Rome. D'ailleurs, Attila lui-même était élevé à Rome. Et donc, ces populations souhaitaient occuper, de gré d'ailleurs ou de force, au plus haut de l'échelle sociale, des postes dans cet empire. Mais en tout cas, il y avait cette attraction, cette fascination, et on le voit très bien archéologiquement à travers le matériel. Isabelle Quatédu, évoquons donc ces grandes invasions. Pendant longtemps, toute villa romaine brûlée était la preuve indubitable de l'arrivée des barbares, les fameuses invasions barbares. On parle plutôt volontiers aujourd'hui de migration. Alors oui, alors c'est clair que il faut complètement revoir cette lecture. Historiens avec relecture des sources écrites et archéologues le montrent bien. Nous ne sommes pas devant un processus linéaire ou uniforme. On est vraiment devant un phénomène multiforme, multirythme. On a des mouvements de population qui sont d'abord lents et progressifs à partir du 2e siècle, qui vont s'accélérer au 5e siècle avec d'ailleurs des prises de pouvoir. On est devant des populations qui correspondent, migrantes qui correspondent à des minorités. On est sur quelques centaines de milliers de personnes par rapport à plusieurs millions, et tout ça sur plusieurs siècles. Donc il faut vraiment revoir ce rythme et cette échelle. Ce sont des groupes diversifiés, des familles, des individus, des groupes. Leurs trajectoires sont différentes et ils sont poussés par plusieurs paramètres. Certains par des crises climatiques, déjà, des crises politiques, des guerres poussées par les Huns, pour certains peuples, comme Ego. Attirés bien sûr par l'appât du gain, le pouvoir, il y a bien sûr des pirateries, des razzias, il ne faut pas non plus tout transformer en phénomène banal, et Attila n'était pas un enfant de cœur, mais il y a surtout des intégrations, il y a beaucoup d'intégrations dans le cadre de traités pacifique. On l'oublie souvent, notamment les Alamans, les Burgondes, les Visigoths ou les Francs sont installés en toute légalité dans l'Empire romain. Il y a une sorte d'échange, en fait, entre on leur donne des terres, en échange de quoi ils vont donc défendre ces espaces, les cultiver, puisque l'Empire romain, en fait, est très affaibli à la fin de l'Antiquité, et depuis un moment déjà, un affaiblissement politique, économique et social. Et donc, il est nécessaire de nourrir, en fait, ces populations. Il faut défendre les frontières, le Rhin, mais aussi les frontières de l'ensemble de l'Empire, hein, contre des invasions qui se situent plus à l'Orient. Et donc, il est absolument nécessaire d'installer, en fait, ces systèmes de traités. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Joël Burnouf, ces grandes migrations barbares, ces invasions même, seraient une invention du 19e siècle ? Bien avant. Bien avant, déjà dans les textes anciens, y compris ceux produits par les sociétés médiévales, les élites des sociétés médiévales, on trouve des récits catastrophiques. Ces gens-là, comme l'expliquait Isabelle, sont pour une partie de la période arrivés relativement facilement et intégrés très facilement et très rapidement. Et ils étaient aussi, avec eux, il y avait des commerçants. Et donc, dans ces relations entre les arrivants et ceux qui étaient là, il s'est tissé des liens, il s'est créé une mixité qui n'a pas soulevé de commentaires, mais quand il s'est agi de partager le pouvoir et les avantages qui allaient avec, bien évidemment, il y a eu des récits plus ou moins catastrophiques. Alors le 19e y a contribué parce que idéologiquement on est dans une phase de montée et d'exacerbation des nationalismes et des identités, et donc il devenait utile d'instrumenter les documentations pour pouvoir créer une histoire qui correspondait avec ce que l'on souhaitait défendre, quel que soit l'endroit du monde occidental au sens large où on se trouvait. Donc, en permanence, et c'est bien là la tâche importante de l'historien et de l'archéologue, il faut faire face à ces tentatives d'instrumentation et il faut mettre les choses au clair et expliquer simplement aux citoyens qu'on ne peut pas déformer les données et les mettre à son propre avantage. Mais ça, c'est un autre débat. Joël Burnouf, à l'image d'aujourd'hui, les barbares doivent-ils être perçus comme des envahisseurs ou des réfugiés ? Eh bien, j'imagine, parce que j'appartiens à une génération qui est née immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y a des réfugiés. L'Europe récente témoigne de cet afflux de réfugiés. Je parle depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est un vaste va-et-vient de personnes, de familles, de groupes, de catégories sociales, de métiers qui quittent certains pays pour venir là où ils sont intégrés et assimilés et où ils ont envie de poursuivre ce qui était leur mode de vie et leur mode d'activité. Donc pour moi, il y a une grande partie, la majorité à mon sens, mais je ne suis pas spécialiste de l'histoire du temps présent, de ceux qui nous arrivent au Moyen-Âge, qui sont des réfugiés, qui sont des commerçants, qui sont des groupes qui viennent s'installer et qui s'assimilent tellement vite et tellement bien qu'on a parfois du mal à les identifier et à trouver leurs traces, je veux dire les traces matérielles concrètes. Donc pour moi, il y a certes des réfugiés au sens de réfugiés politiques, économiques, climatiques, tout ce qu'on définit aujourd'hui, mais il y a aussi des populations qui se déplacent, qui s'installent et qui vivent très bien, en bonne intelligence, avec ceux qui sont déjà là. Donc l'étiquetage que je considère comme une violence symbolique au sens des sociologues est extrêmement dangereux. il ne m'apparaît pas à la lecture des travaux des collègues spécialistes des périodes, de ces mouvements dans les périodes anciennes, qu'on soit face à des barbares envahisseurs sanguinaires. Isabelle Catédu, tous fainéants, et ça c'est sûr, les Mérovingiens auraient vécu dans des sarcophages ? Alors c'est effectivement une image qui nous a souvent été présentée. C'est vrai que jusqu'il y a une trentaine d'années, on découvrait en fait, on connaissait le premier Moyen-Âge qu'à travers les tombes. On ignorait tout de leur habitat, ou en tout cas très peu. Et le peu que l'on connaissait donnait une image vraiment qui collait finalement avec ce cliché des invasions barbares, c'est-à-dire de campagnes désertées, de gens n'ayant plus de maison, vivant sous le joug de la famine. Et puis est arrivée l'archéologie préventive, la multiplication des fouilles de grande surface qui sont les seules à même de mettre en évidence la lecture de constructions en matériaux périssables. Et là, les fouilles de l'INRAP l'ont montré au cours de ces 20 ou 30 dernières années. Et on met en évidence, en fait, finalement, des campagnes dynamiques. Il faut savoir que 95% de la population vivait dans les campagnes. Et aujourd'hui, on met au jour des campagnes dynamiques, des habitats très diversifiés, des fermes, des villages, des hameaux, des villages même organisés autour d'églises et de cimetières dès le 7e et 8e siècle, et non pas, donc bien avant l'an 1000. Et on a surtout des diversités de constructions et de matériaux et des techniques qui montrent en fait une grande qualité architecturale, également d'isolation, d'une architecture en terre et en bois, qui est d'ailleurs aujourd'hui recherchée pour ses qualités. Vous les avez fouillées, Isabelle Catédu. Vous les avez trouvées, vous ? Alors oui, c'est une de mes, de mes spécialités. Effectivement, moi je travaille essentiellement en milieu rural et sur des habitats du premier et du second Moyen-Âge, mais surtout du premier Moyen-Âge. Et on présente d'ailleurs dans l'exposition une thématique sur ce sujet avec des exemples de fouilles qui montrent combien ces habitats ne sont pas occupés sur des courtes périodes, mais au contraire sur des longues périodes. Et on voit se succéder d'ailleurs, comme à Saleux par exemple en Picardie, sur 16 générations, des habitats structurés, organisés, et qui prouvent en fait une économie extrêmement dynamique, même si effectivement il y a des phases de crise et de famine, comme pour toute période. Joël Burnouf, le Moyen-Âge ne peut être qu'industrieux. Doit-on parler d'artisanat ou de production industrielle ? Alors, je pense qu'il faut résolument maintenant parler d'industrie médiévale. Longtemps, ce mot a été occulté puisqu'il n'y avait de révolution industrielle que celle du 19e siècle avec l'usage massif des énergies fossiles et la production de masse, alors que nous observons par l'archéologie qu'il y a déjà des productions de masse. Par exemple, pour prendre un exemple polluant, je ne sais pas si j'aurais aimé vivre sur le tracé de l'autoroute Tour-le-Mans au XIVe siècle, ou depuis, en fait, bien avant, puisqu'à la proto-histoire, il y avait déjà de la métallurgie, on avait une succession de villages d'artisans, on a aussi d'ailleurs des villages de potiers, et ce qu'on constate, si on les trouve dans les grands décapages, c'est qu'ils ont été abandonnés. Pour prendre un autre exemple, à Goussainville-le-Vieil-Évreux, c'est pas parce qu'il n'y avait plus de minerais qu'on a abandonné le terrain, c'est parce qu'on était tributaire du bois, et quand on avait terminé d'utiliser l'ensemble du bois disponible, transformé en charbon de bois bien sûr, eh bien on devait déplacer les centres de production parce que on n'avait plus suffisamment de matières premières pour produire l'énergie pour la cuisson. Donc et déjà dans les années 70 était sorti un ouvrage qui à l'époque avait fait très peu de bruit, qui s'appelle La Révolution industrielle du Moyen-Âge, et Dieu sait qu'à ce moment-là, l'auteur, Jim Pell, n'avait pas les données archéologiques dont l'on dispose aujourd'hui. Donc que l'on observe, que l'on fouille un village comme Brandt-en-Oisans à l'Alpe d'Huez, comme les sites de la métallurgie de la forêt de Pimpon, qui à ce moment-là n'était plus aussi étendue, elle avait déjà été pratiquement rasée par les sociétés de la proto-histoire et les hommes du Moyen-Âge ont continué, eh bien je pense qu'à cette échelle, on peut vraiment parler d'industrie. en public de la Cité des Sciences et de l'Industrie, pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14, je rappelle que nous évoquons le Moyen-Âge avec Joël Burnouf, professeur à l'Université de Paris 1, et Isabelle Catédu, archéologue médiéviste à l'INRAP. Soyons iconoclastes, Joël Burnouf. Le Moyen-Âge, c'est l'invention de la ville? Oui, c'est l'invention de la ville, entre guillemets, moderne. Et parce que j'entends d'ici les cris de mes collègues des périodes plus anciennes où sont nées les agglomérations. Simplement, le mot même de ville est un mot qui a été inventé pour un type d'agglomération au XIIIe siècle. Et donc, l'urbain de cette période, sur la longue durée, est un produit. Je ne résiste pas au bonheur de citer les deux géographes qui ont inventé cette phrase magnifique. La ville est un géotype de substance sociétale fondée sur la coprésence. Monsieur Charpentier, vous avez 2 heures pour me faire une dissertation là-dessus. Et donc, d'abord une ville que je qualifierais de Canada Dry. Ça ressemble à du romain, mais c'est plus du romain. Ça commence au 3e siècle et ça s'accélère au 4e, 5e. Comme le disait Isabelle Catédu, il y a aussi des différences régionales et il est certain que la romanitude de la ville ne dure pas de la même manière selon l'espace dans lequel on se trouve. Deuxièmement, avant l'apparition du mot, se met en place un réseau d'agglomérations qui ne sont pas encore nommées villes et qui portent un nombre important d'autres adjectifs ou d'autres vocables. Mais pourquoi dire que le Moyen-Âge a inventé la ville moderne, c'est-à-dire celle que nous connaissons aujourd'hui? Tout simplement parce qu'en termes de réseau urbain, de la petite ville, comme disent les modernistes, jusqu'à la métropole d'aujourd'hui, on a un réseau, en ce qui concerne la France en tous les cas, mais on peut le dire pratiquement pour une grande partie de l'Europe, qui est un réseau médiéval. À quelques exceptions près, Le Havre a été fondé à l'époque moderne, Richelieu également, mais le réseau urbain dont nous disposons aujourd'hui est encore le réseau médiéval. Donc le mot lui-même, qui a servi à désigner ce nouvel urbain, est aussi une invention médiévale. Isabelle Catédu, le Moyen-Âge, c'est l'aménagement du territoire? En grande partie, c'est-à-dire qu'on a effectivement un Moyen-Âge sous nos yeux qu'on voit moins, mais les hommes du Moyen-Âge étaient des grands aménageurs, des aménageurs avisés, sachant exploiter les ressources, qu'elles soient hydrauliques, éoliennes ou fossiles, par exemple, ou encore les ressources agricoles. Ils ont donc installé, aménagé des secteurs qui montrent une grande résilience en fait des populations, puisqu'en fait elles s'adaptent au sol, elles s'adaptent aux ressources. Et aujourd'hui, grâce à une nouvelle discipline qui s'appelle l'archéogéographie, on collabore de manière à mettre en évidence effectivement tous les aménagements du passé, les marais salants, l'urbanisme dont parlait Joël, mais aussi des espaces comme les étangs de la Brenne, qui effectivement sont médiévaux, ou des espaces structurés avec un important impact agricole, en bordure des fleuves aussi, toute une série de friches qui témoignent en fait d'aménagements très anciens, remontant essentiellement au Moyen-Âge. Joël Burnouf, le château existe-t-il? Non. Oui, le château n'existe pas, c'est encore une invention du 19e siècle. Donc ça a été un long travail de réfléchir sur cette question, et nous sommes tournés et avons emprunté aux sociologues le concept d'élite. Et donc, il y en a des toutes petites à l'échelle du village, à l'échelle d'un territoire assez restreint, jusque aux grandes familles royales. Donc, suivant que l'on soit petit ou misérable, eh bien, on ne construit pas pareil, on n'a pas les mêmes moyens. Ce qui a un peu biaisé la question, c'est donc cette invention du mot château au 19e siècle, et en particulier du pléonasme absolu, qui est le terme château fort, puisque château vient du mot castrum, qui veut dire lieu fortifié. Or, c'est les lieux de ces élites sont des lieux d'habitat d'un groupe. Dans ce groupe, il n'y a pas que le responsable du groupe, c'est-à-dire le chef du groupe, il y a différentes catégories sociales qui contribuent à la vie de cet ensemble. Et on évolue entre des surfaces de 300 à 500 mètres carrés jusqu'à plusieurs hectares pour un même site d'élite. Mais ça, c'est pas nouveau. On le voit déjà à la proto-histoire, on le voit dans l'Antiquité. Ces habitats des élites ont des formes différentes selon leurs moyens. Et donc, ce qui nous reste, ce sont des carcasses. Et là, le romantisme a contribué, ainsi que vous évoquiez Viollet-le-Duc en commençant, et les pouvoirs ont instrumenté ce mythe, et les romantiques, les écrivains romantiques aussi, les artistes avec ces magnifiques peintures ou gravures ou lavis qui montrent ces édifices. Donc le problème, c'est que chacun de ces édifices est un unicum et que tant qu'on n'a pas fouillé, on peut créer toutes les typologies du monde, au raton laveur plein près, mais on ne saura toujours pas ce que ça recouvre exactement en termes d'interprétation sociale et d'interprétation spatiale. Isabelle Quétédu, que doit-on faire des princesses en voile, des chevaliers en armure? Les laisser à l'héroïque fantasy, les mettre aux oubliettes? Alors, Jacques Le Goff disait que l'histoire se fait avec des documents, des idées, des sources et de l'imaginaire. C'est vrai qu'on est devant des clichés qui, effectivement, privilégient toutes ces images, puisque le Moyen-Âge est vraiment une période qui est à la fois assez proche de nous pour qu'on ait des références et en même temps suffisamment vague, enfin, en tout cas, il l'était, pour y placer énormément d'imaginaire. Ce qui est clair, c'est qu'on est devant beaucoup de personnes nous demandent s'il ne faudrait pas changer d'ailleurs ce nom de Moyen-Âge. Ce qui est clair, c'est qu'on est aujourd'hui devant un Moyen-Âge dynamique, ouvert sur le monde, innovant, surprenant, mais aussi très contrasté, et ni noir ni rose. Et Jacques Le Goff disait d'ailleurs que ce Moyen-Âge, il n'est ni un creux dans la vague du temps, ni un pont, mais une grande poussée créatrice coupée de crises, nuancé de décalage selon les régions, les catégories sociales et les secteurs d'activité. Il est diversifié dans ses processus. En fait, ce Moyen-Âge, il n'est ni légende dorée, ni une légende noire des sociétés passées, comme disait Jacques Le Goff. Ce qui est clair, c'est qu'il est, il est notre héritage, et nous, on voit qu'il est effectivement parfois caché, enfoui, parfois à ras de terre, parfois sous nos yeux, et on ne le voit pas toujours. Et le but, justement, de cette exposition, c'est de nous le livrer de manière différente, de manière à ce qu'en sortant de l'exposition, on le découvre de manière plus claire. Joël Burnouf, très brièvement, aujourd'hui, notre roman national vante le Gaulois. Votre exposition va-t-elle relancer cette vague idéologique sur le Moyen-Âge, Jeanne et Clovis en tête? Bien, je pense que non. En tout cas, nous sommes appliqués à sortir de ces schémas. La création d'un roman national, on n'y échappe pas. C'est à nous d'être vigilants et de dire haut et fort qu'on n'instrumente pas, a fortiori, des personnages dont, en ce qui concerne Clovis, il y a une lourde historiographie. Le Gaulois, comme le Franc, comme Jeanne, représentent trois moments idéologiques, d'où leur instrumentalisation idéologique par les pouvoirs en place, ce que nous refusons absolument. Merci beaucoup. À voir donc Quoi de neuf au Moyen-Âge, à la Cité des sciences et de l'industrie, à lire dans les pages Sciences du Monde de cette semaine, l'excellent dossier de Pierre Barthélémy. Carbone 14 était réalisé par Assia Khalid, à la technique Christophe Goudin, Adrien Gaza, Gilles Manet, avec la contribution d'Anne-Catherine Lochard. La semaine prochaine, Carbone 14 se consacrera à Carthage, après Carthage.